thème de notre séance d'aujourd'hui, politique européenne et gestion managériale dans l'université et la recherche. Nous avons le plaisir de recevoir des participants qui sont déjà venus, qui sont activement engagés dans le séminaire, Claude Calame et Isabelle Bruno. Je les présente très brièvement. Claude Calame est, peut-on dire, un helléniste ou un historien de la Grèce ancienne, je ne sais pas comment il faut dire les choses. Il est directeur d'études à l'École des hautes études, il est membre du Centre Louis Gernet, et parmi ses ouvrages les plus récents, je cite « Poétique des mythes en grec antique », c'est Hachette en 2000, « Masque d'autorité, fiction et paradigme dans la poétique grecque », Les belles lettres, 2005, Pratique poétique de la mémoire, représentation de l'espace-temps en Grèce ancienne, à la découverte en 2006, et sentiers transversaux entre poétique grecque et poétique contemporaine. Ça, c'est un thème qui peut-être peut surprendre, mais publié donc en 2008, tout récemment. Le sujet de son séminaire principal à l'école, la poésie grecque entre mythe et rite, le mercredi de 10 à 12. Voilà pour Claude. Une autre chose, je crois, qui fait partie d'une présentation possible de Claude Calame, c'est qu'il est très engagé dans la Ligue des droits de l'homme à l'école et au-delà. Et il nous invite, pour ceux d'entre vous qui est abonné aux listes TLM, c'est une institution interne de vos études, mais fort utile, ont pu constater à quel point il nous appelle sans arrêt, sans répit à la vigilance sur la question des sans-papiers et de l'accueil des étrangers dans ce pays. Isabelle Bruno, pour sa part, est maître de conférence à Lille 2, membre du CERAPS. C'est une sociologue, elle travaille sur la sociologie de la quantification et des dispositifs de gestion liés à celle-ci, sur les technologies managériales de gouvernement néolibéral. Et elle est en particulier, aux ironies bien entendu, responsable, pour ce qui concerne le CERAPS, d'une ANR, qui porte exactement sur les sujets dont elle va nous parler aujourd'hui, et tout particulièrement sur le benchmarking, comme ces gens disent. Si vous voulez l'entendre plus souvent, il y a à l'école un séminaire qu'elle tient, qui a commencé le 4 janvier, je crois, oui, avec Alain Desrosières et Emmanuel Didier, et qui porte sur les politiques des statistiques, ce qui évidemment n'est pas très très loin des sujets de notre séminaire d'aujourd'hui. Elle est aussi membre du comité éditorial de la revue Politics et elle publie dans Politics, dans Économie et Société, les cahiers de l'ISMEA, dans Minerva, ou Minerva, je ne sais pas comment il faut prononcer, qui est une grande revue justement de sciences sociales des sciences, publiée chez Springer, je crois, dans Quaderni, dans la RHMC et dans Politics, un ensemble d'articles récents sur les thèmes qui nous rassemblent aujourd'hui. Voilà, j'en ai fini avec les présentations. Nous allons, comme d'ordinaire dans ce séminaire, les entendre, je pense, successivement pour des exposés qui sont par accord mutuel plutôt bref, 20-25 minutes, ils ne sont que deux, et puis pour laisser une large place à la discussion après cela. Claude va traiter du thème suivant, les universités européennes et la logique managériale de la concurrence quantitative, processus de Bologne et stratégie de Lisbonne.